Enfance célèbre par Madame Louise Collet. Pic de la Mirandole. Notice. Jean Pic de la Mirandole, enfant, célèbre et savant universel, descendait de François Pic de la Mirandole, qui fut podestat de Modène en 1312 et chef du parti Gibelin. Il naquit à la Mirandole en 1463. C'était le poète et l'orateur le plus distingué de toute l'Italie. Sa mère, persuadé que la Providence avait des vues sur lui, ne voulut céder à personne le soin de sa première éducation, dont elle se chargea elle-même. Elle le confia ensuite aux maîtres les plus habiles, sous lesquels il fit de rapides progrès. À 14 ans, il alla étudier le droit canon à Bologne, puis passa 7 ans à parcourir les plus célèbres universités de la péninsule et de la France. Revenu à Rome, en 1486, il publia une liste de 900 propositions sur tout ce qu'on pouvait savoir, de omni re scibili, et il s'engagea à les soutenir publiquement contre quiconque voudrait les attaquer. Mais quelques hauts personnages, jaloux de la réputation que cette publication lui avait acquise, lui firent défendre toute discussion publique et déférèrent au pape plusieurs de ses propositions qui furent condamnées. Il retourna alors en France, puis se retira à Florence, où il mourut en 1494, le jour même de l'entrée de Charles VIII dans cette ville. L'illustration de cette famille, qui avait commencé lors des guerres des Guelfes et des Gibelins, dans la première partie du XVIe siècle, prit fin en 1688, époque à laquelle Marie, le dernier des ducs de la Mirandole, fut dépouillé de ses états par l'empereur Joseph Ier et se retira en France, où ses descendants existent peut-être encore. La dernière et la plus complète édition des œuvres de Jean Pic de la Mirandole est celle de Bâle, en 16 volumes in folio. Son neveu Pic, qui a écrit son histoire, prétend qu'au moment de sa naissance, on vit des tourbillons de flammes s'arrêter au-dessus de la chambre à coucher de sa mère, puis s'évanouir aussitôt. Ce phénomène, dit-il, eut lieu sans doute pour prouver que son intelligence brillerait comme ces flammes, et que lui serait semblable à ce feu, qu'il paraîtrait pour disparaître bientôt, et étonnerait le monde par l'excellence et l'éclat de son génie, que son éloquence serait des traits de flammes qui célébreraient le Dieu des chrétiens, qui lui-même est le véritable feu inspirateur. On a remarqué en effet qu'à la naissance ou à la mort des hommes doctes et saints, des signes extraordinaires se sont produits pour indiquer que c'étaient des créatures à part, qu'il y avait en eux quelque chose de divin, et qu'ils étaient destinés à de grandes choses. Pour n'en pas citer d'autres, je ne parlerai pas du grand saint Ambroise. Un essaim d'abeilles se posa sur sa bouche, s'y introduisit, et en sortant aussitôt, s'envola au plus haut des airs, se cacha dans les nues et disparut aux yeux de ses parents et de tous ceux qui étaient présents à ce spectacle. Nous citons ce fragment sans attacher ni créance ni importance au phénomène dont il est question, mais seulement pour donner une idée de l'opinion qu'avaient sur lui les contemporains de Pic de la Mirandole.